Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau débat comics. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro, j'ai Laura avec moi. Oui, bonsoir tout le monde. Et j'ai avec nous Jennifer qui va nous présenter en long, en large et en travers son premier roman, Mission d'Hippolyte. Bonjour, bonjour. Alors, je vais te poser pas une, mais deux questions. Est-ce que tu peux te... présenter 2020. Et est-ce que tu... Donc, oui, dans lequel l'héroïne, une maman, c'est... célibataire, vieuse, en pleine forêt, alors qu'elle faisait un chou... laquelle elle la met en garde. Eh bien, écoute. Merci pour ce bon question qui te... Alors, c'est pourquoi tu as choisi... Alors, dans un premier temps, parce que quand les fonds pour payer des... et... pouvoir bientôt trouver ton roman. En librairie. Alors, j'ai grâce aux quelques ventes que j'ai fait, donc pour une diffusion par Hachette Livre, et donc bientôt le roman sera disponible dans toutes les librairies françaises et toutes les grandes surfaces grâce au réseau d'Illicom. Eh bien, écoute, c'est vrai que comme ça sera l'occasion d'avoir ton bouquin en vrai, sans passer par la grande distribution qui est Amazon. Laura, je crois que tu avais des questions. Alors, les questions, là, je ne les ai plus en tête. Après, non, effectivement, la question que j'avais, c'était le format choisi, du coup, pour le livre. Donc, effectivement, est-ce que c'était plus du poche, du grand format ou, comme on dit, un format moyen pour le livre, en fait ? Enfin, je parle vraiment de la version papier et non la version numérique. Alors, la version papier, globalement, un peu partout, c'est du poche. Je suis partie sur quelque chose de simple. Ça permet d'avoir quelque chose de facilement transportable en ayant un joli volume. Ouais, c'est vrai que pour ça, le livre poche, c'est vraiment cool parce que quand on aime vraiment un livre, qu'on veut continuer de le lire, hop, on le prend avec nous dans le petit sac à main ou dans le cartable et ça prend pas de place. Et ouais, voilà, c'est bon. C'est clair. C'est ça. Alors, ce qui m'a choqué, moi, à la première lecture, on va le dire en vrai parce que ça me stresse, j'ai l'impression de lire un texte. On a enregistré une première fois, ça a foiré, donc du coup, on reprend tout à zéro. À un moment, faut le dire, on ne connaît pas les questions par cœur, on n'enchaîne pas tout par cœur comme ça, c'est pas répété, c'est pas joué, il n'y a pas de texte. Le premier enregistrement a chié, et c'est pour ça qu'on reprend. Non, je préférais le dire parce que j'ai l'impression de lire un texte, et ça me gave. Donc, mais par contre, le podcast est un peu mieux organisé parce qu'on a posé les questions dans plusieurs ordres et on revenait au début, à la fin, ceci et cela. Alors que là, les questions vont pouvoir être un peu plus logiques et avoir une suite logique. Donc, ma question que je t'avais... Je vais poser la première fois et créer que au niveau des détails, on se croit à fond en plein milieu de l'Amazonie. Alors, tout simplement aussi, puisque je ne pouvais pas être sur place pour voir comment c'était. Donc, j'ai fait pouvoir retranscrire au mieux la faune et la flore et les environnements que je voulais intégrer à l'histoire. Et donc, sur ton blog, voire même une chaîne YouTube. Je lui avais fait le coup lors du premier enregistrement. Non, mais c'est vraiment saoulant quand l'enregistrement coupe et que j'arrive pas à le refaire de manière naturelle. Mais bon, c'est pas grave. Je vais te lire les deux premières phrases du chapitre numéro 1 et tu vas m'expliquer du pourquoi, du comment tu as fait ça. Donc, le chapitre numéro 1 commence comme chaque jour. Lara se leva assez tôt. La jeune femme prit une douche et coiffa sa longue chevelure couleur ébène. Quoi cette fixette sur les cheveux ? À mon avis, je dois retransposer le fait que moi, j'en ai quasiment pas, puisque ça me saoule. Je suis le genre de fille qui peut laisser pousser ses cheveux jusqu'aux omoplates, se lever un matin, trouver des nœuds en essayant de me brosser, aller chez le coiffeur et lui dire « coupez-moi tout à la Christina Cordula ». Ouais, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, du coup, c'est peut-être ça, au fond. Je pense que ça doit être mon subconscient qui me rappelle à l'ordre. Et c'est triste que ton subconscient te rappelle à l'ordre comme ça. Et donc, j'ai lu la première phrase sur Lara, mais pourquoi tu ne présentes pas tes personnages ? Pourquoi on est obligé d'attendre plus loin, des dizaines de pages, pour avoir une description de Lara ? Alors c'est voulu. Enfin, au départ, c'était voulu pour pas mettre trop d'informations d'un coup. Je voulais pas aller dans ce cliché du il y a le personnage qui apparaît. Alors on lui fait une description totale physique, psychologique et tout ce qui va avec. Et donc je me suis dit ça peut être bien de la découvrir en fait petit à petit. Et tu fais ça avec tous les personnages parce que même cette fameuse femme qu'elle trouve dans la forêt. Elle aussi, tu as décrit. T'as pas que décrit que ses cheveux, c'est faux. Tu as décrit ses yeux, sa couleur de peau de mémoire, et puis ses longs cheveux couleur. Non, c'est pas couleur ébène, mais voilà. De miel, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir ça, mais bon, après, on s'y habitue. Et lors du premier enregistrement, j'avais fait une référence à J.K. Rowling, mais j'ai la flemme de la refaire. Donc, non, si ça peut rassurer. J'ai décrit tous les cheveux de tous les personnages. Si, ça, c'est sûr, même de tête, je me rends compte, en fait. Même le chien, il y est passé, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je crois même que le cheval, j'ai même décrit, je crois, la crinière du cheval. Donc, c'est vraiment, je dois faire une fixette capillaire, effectivement, je m'en rends compte maintenant. Mais non, il y a quand même un personnage où je n'ai pas décrit ses cheveux, parce qu'il n'en a pas, et c'est l'ennemi. Donc, je suis désolée. Donc, lui, je l'ai vraiment décrit, pour le coup. Et du coup, tu lui as décrit sa longue calvitie. J'ai du tout décrit ce que je pouvais décrire. Par contre, chez lui, j'avoue que là, j'ai pas lésiné sur les moyens et sa description, elle est dès la première apparition. Et donc, pourquoi avoir choisi l'Amazonie comme cœur ? Parce que bon, dans un roman d'aventure, on peut voir des pays arabes, le désert, on peut voir pas mal de choses. Mais là, franchement, l'Amazonie, ça me rappelle un peu ce pauvre Indiana Jones numéro 2, je me souviens plus le titre tellement que j'avais pas aimé, et où on se retrouve en plein milieu de l'Inde. Et ça a fait un peu ce même effet là de se retrouver en plein milieu d'un endroit qu'on ne connaît pas. Et c'est Indiana Jones et le temple maudit. Exactement. Et ça fait un peu partie d'Indiana Jones des films qui ont bercé mon enfance. Et j'adore. Et du coup, je suis assez contente que ça fasse un peu référence. Mais c'est vrai que l'Amazonie, c'est un peu un rêve d'enfant. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Ça m'a toujours fascinée, cette espèce d'inconnu, de forêt vierge avec des endroits que personne n'aurait foulé. Et du coup, C'est un endroit qui me fait rêver, donc c'est pour ça que j'ai tout prix voulu le prendre. Et puis il y avait aussi un petit côté que j'ai voulu de sensibilisation, de dire aux gens, ben si comme moi ils tombent amoureux de l'Amazonie, peut-être qu'on sera plus nombreux à vouloir aussi la protéger. Et en parlant de protéger l'Amazonie, il me semble que c'est pas qu'il me semble, c'est qu'on en a discuté pendant le premier confinement. Pourquoi je fais semblant? Une grande partie du bouquin part pour l'association Aquaverdier. Tout à fait, association qui milite en Amazonie, qui a été créée dans les années 2000. Et à ce jour, ils ont pu replanter plus de 500 000 arbres. Ils soutiennent les peuples indigènes. Ils ont permis la construction de puits d'eau claire pour certains peuples qui n'avaient pas accès à l'eau potable ou qui devaient faire des kilomètres pour en récupérer. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place. Et du coup, comme mon histoire se déroule au cœur de l'Amazonie, ben, j'ai trouvé normal en fait, de soutenir une association qui la protège et de reverser les bénéfices en fait, pour la bonne cause. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus chez certains éditeurs. On peut nommer Akata qui a fait beaucoup de choses au niveau des mangas avec Running Girl qui a reversé 5% à l'association de l'handisport France. Et Akata fait la même chose avec Moi aussi tome 2 pour les associations de femmes battues. Donc voilà, ça c'est la bonne cause. Il y a aussi des auteurs qui font ça avec le fameux 13 à table qui sort une fois par an et qui nous permet de soutenir les restos du cœur. Et au niveau de l'Amazonie, tu nous as parlé des indigènes, donc je ne vais pas refaire la blague toute pourrie comme quoi pour moi ils portent un pagne avec son bois et compagnie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de leur nouvelle méthode de vie? S'ils vivent un peu comme un homme du 21e siècle ou est-ce qu'ils sont restés avec leur pagne et également comment ils ont vécu le tristement célèbre Covid? Alors tout dépend donc des peuples. Certains peuples sont vraiment dans la pure tradition indigène et vivent vraiment de manière ancestrale, si je puis dire. D'autres, comme le peuple Paiter-Suri, qui est un des plus connus grâce à leur chef Almir, qui lui voyage beaucoup dans le monde, et c'est d'ailleurs un des premiers diplômés d'université des tribus. Eux, ils sont un peu plus connectés, puisqu'en fait, les leaders, leur but, c'est de sensibiliser nous, les Occidents, les gens du XXIe siècle, comme tu dis, à leur cause, puisque malheureusement, c'est beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, et la crise du Covid a assombri encore ces choses-là, puisque les médias étaient beaucoup tournés vers la crise, mais plus sur les problèmes de l'Amazonie. Et en plus des déforestations, il y a eu beaucoup d'assassinats d'indigènes, il y a eu des pillages, il y a eu de l'illégalisme dans les mines. Ils sont venus fouiller les mines, abattre des arbres en terre protégée. Enfin, c'est quelque chose de chaotique et c'est ce qui pousse de plus en plus les peuples indigènes à sortir du silence et à se connecter pour dénoncer tout ça, pour se protéger eux-mêmes. Il y a même Google Maps qui a signé un contrat de partenariat avec le peuple Paiter qui surveille les terres indigènes pour essayer de limiter la catastrophe au maximum. Donc il y a vraiment des actions qui sont mises en place, mais le Covid leur a pas du tout fait de bien. Il y a eu beaucoup de pertes, il y en a encore beaucoup, c'est très lourd. Mais on peut les aider, hein, puisqu'avec l'association, il y a un projet mis en place qui s'appelle Cestas Basicas, qui est en partenariat avec Canindé et d'autres associations qui sont sur place au Brésil et qui permet, grâce aux dons, de leur fournir des vivres, du gel et des masques pour leur permettre justement de rester dans leur village et de ne surtout pas aller en ville parce que la situation sanitaire, elle est vraiment critique. Et est-ce que... Ils sont critiques, mais ils n'ont pas d'espoir. Ils attendent eux aussi un vaccin ou est-ce qu'ils s'accordent, est-ce qu'ils se seront entre guillemets un peu plus remis à la médecine médicale, enfin à la médecine par les plantes? Alors ils faisaient déjà usage de la médecine traditionnelle, mais c'est vrai qu'avec l'apparition du Covid, ils ont encore renforcé cette part de leur existence par l'apprentissage de leurs enfants. Ils ont vraiment accentué la chose, mais ça suffit pas quand le virus est déjà présent. Et du coup, c'est compliqué. Le vaccin, je sais pas s'il l'atteint réellement, puisque c'est vraiment une médecine par les plantes à la base. Mais le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement en place n'est pas en leur faveur. Et quelque chose qui nous avait indigné, alors c'était cet été, si je dis pas de bêtises, c'était fin août ou début septembre, c'était en fin d'été. Ils avaient soi-disant reçu de l'aide pour leurs malades. On leur avait fait envoyer des matelas et en fait tous les matelas c'était des vieux matelas récupérés d'hôpitaux. On aurait dit des trucs désaffectés. Enfin, ils étaient troués, miteux, sales. Enfin, même mes chats, je laisserais pas dormir là-dessus. Et on leur avait balancé ça en mode bon ben voilà, on vous donne ça, estimez-vous heureux. Et ça nous a complètement, c'était ahurissant quoi. Donc le gouvernement, clairement, il n'est pas pour eux. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'accaparer les terres pour faire de l'argent en fait, tout simplement. Sauf que c'est sous silence, c'est un peu tabou, c'est compliqué. Et certains indigènes qui se rebellent, on ne les revoit jamais. Et la question à la con, et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ce peuple d'indigènes se trouve dans quel pays ? Parce que la forêt d'Amazonie est grande, Argentine, Bolivie, ou chez nos amis, chez le dictateur fou, le Brésilien ? Alors malheureusement pour le peuple Paiter, ils sont chez les dictateurs fous, ils sont bien au Brésil, dans la région de Rondônia, qui est en limitrophe avec la Bolivie. Donc ils ne sont pas sur les terres les plus accueillantes, quoi. Et j'essaie de retrouver le nom de ce président fou, mais je n'y arrive pas. Mais bon, il nous a d'ailleurs sorti Bolsonaro. Ah voilà, Bolsonaro. Il nous avait sorti d'excellentes phrases, lui aussi, un peu à la Trump. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Oui, Bolsonaro, l'homme qui décrète qu'une forêt tropicale s'est humide, donc ça ne brûle pas. Et voilà. Ah voilà. Donc. C'est un grand homme, lui aussi. Et voilà. Digne de boire également du Javel à la Trump. Ça, c'est clair. Et du coup, autre question que je t'avais déjà posée, mais c'est pas grave, j'aime le comique de répétition. Est-ce que tu fais apparaître des indigènes dans ton premier roman, ou est-ce que tu vas faire apparaître de futurs indigènes dans ton deuxième roman, voire même ton troisième? Alors, pas encore. Le premier roman, c'est vraiment axé sur la tribu des guerrières amazones. Si, il y a les indigènes, mais du peuple Inca au Pérou, puisque là, on est vraiment sur la tribu qui vivait à l'époque, là, je parle dans les années 1400, si on part par rapport à l'empereur que j'ai choisi. Donc, on peut parler de tribu, mais on est vraiment sur la face péruvienne. Pour ce qui est de l'Amazonie en elle-même, pour l'instant, il n'y a vraiment que les Amazones que j'ai attribuées. Donc, je sais que normalement, c'est en Grèce, mais il faut lire l'histoire pour comprendre pourquoi on est en Amazonie. Et peut-être qu'effectivement, dans le tome 2, j'essaierai d'introduire justement les peuples de la terre de Rondônia, histoire de peut-être essayer de sensibiliser les gens et de faire le lien avec le fait que mon histoire se passe en Bolivie et que ces territoires sont limitrophes. Et pourquoi avoir choisi Alors ça, c'est une question que je ne t'avais pas du tout posée lors de la première... lors de la première fois, mais bon, cette fois-ci, c'est bon, je crois que c'était une des questions que j'avais oubliées. Pourquoi avoir choisi la Bolivie ? Pourquoi ne pas avoir choisi l'Argentine ou le Brésil, qui sont des pays plus médiatisés, plus connus, plus fun ? Justement, parce qu'ils sont plus médiatisés. Et moi, mon but, c'est toujours de faire apprendre des choses aux gens. Et il y avait aussi ce côté pratique avec le Pérou, puisque pour le bien de l'histoire, j'ai besoin d'avoir un lien avec la population inca, et que du coup, le trajet de la Bolivie au Pérou est un peu plus facile que le trajet du Brésil au Pérou. Au niveau du temps de trajet, au niveau de tout ça, voilà, moi, il ne faut pas oublier que ça reste des femmes guerrières, donc elles se déplacent à cheval, et les temps de trajet peuvent être très très longs. Donc si je prenais des situations qui sont vraiment à l'opposé au niveau des lieux, ça aurait été juste infernal pour l'histoire. Le roman, il aurait duré 4 ans juste pour faire le trajet, quoi. Et ça, pareil, autre question que je ne t'avais pas posée, un peu inédit quand même pour ce réenregistrement. Est-ce que tu leur as fait couper le sein droit à tes Amazones ? Pas du tout. Pas du tout. Et tout simplement parce que moi, c'est un peu moderne. Comme je disais, on n'est pas sur les Amazones de la Grèce antique, là. Et d'ailleurs, Lara le demandera à Alcaïa dans les premiers chapitres. Elle lui dit, non, c'est même pas Alcaïa, ça, Hippolyte, à la reine, elle lui demande, voilà, ironiquement, et vous allez aussi me raconter que vous coupez le sein. Et de là, elle va lui dire non, que c'est des pratiques barbares qui étaient perpétuées par leurs ancêtres, mais qu'elle ne pratique pas cet acte. Et pourquoi avoir choisi de faire quasiment un roman 100% avec des personnages féminins. Enfin, là, du moment où je l'ai... Parce que bon, tu parles d'Amazon, tu parles de beaucoup de trajets. Il y a le fils bon, qui est un homme, hein, donc là-dessus, je ne peux pas dire que c'est une femme, à moins que c'était un personnage non-genre. Mais voilà, pourquoi ne pas avoir essayé de diversifier, mettre un peu des hommes, des vrais, quoi. Alors, voilà une question qu'elle est bonne, parce que, de base, il faut savoir que moi, je n'aime pas les femmes. Je suis très compliquée avec les femmes, c'est-à-dire que où ça passe, où ça casse. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai beaucoup de mal du fait que dans ma scolarité, je me suis retrouvée dans des classes 100% féminines et c'était un calvaire. Et en fait, je crois que ça m'a dégoûtée. Et j'ai beaucoup de mal avec les femmes, même si j'ai de très bonnes amies femmes. Hein. Mais du coup, c'est un peu un paradoxe entre le fait où je suis plus attirée amicalement et dans tout ce secteur par les mecs. J'ai toujours traîné avec des mecs. Et ben, paradoxalement, ben, les femmes, c'est les protagonistes principales de mon histoire, mais jusqu'à un certain point, puisque dans l'histoire, il y a le meilleur ami de Lara qui est un homme, qui, lui, va être présent une bonne partie du bouquin, et les Incas arrivés vers une... On va dire les deux premiers tiers du livre, on va arriver sur le peuple Inca, là, il y a beaucoup plus d'hommes. Et ben, après, le tome 2, ce sera Advienne que pourra, je ne vais pas vous spoiler, mais on va rééquilibrer les genres. D'accord. Et quand est-ce que tu nous sortiras le tome 2? Parce que bon, tu nous avais annoncé lors du premier podcast que tu avais mis 14 ans parce que tu avais abandonné le projet, puis tu as récupéré le projet, puis tu as fait énormément de recherches qui t'a pris énormément de temps. Est-ce qu'il faut attendre 13 ans pour avoir le tome numéro 2? Donc non. Le tome 2, si tout va bien, il devrait sortir pour l'été 2021. Et alors, pareil, autre question que je ne t'avais pas posée, question un peu inédite, j'essaie de faire quelques efforts. Est-ce que tu es en train d'écrire en parallèle le tome 2 et le tome 3 ou pas? Alors, le tome 2, oui. Donc lui, là, il est en cours d'écriture. Et alors, en parallèle, j'écris oui, mais alors pas le tome 3. J'écris deux autres histoires inédites. Puisque, voilà, moi, je suis comme ça, j'écris trois histoires d'un coup. Comme ça, on se perd bien dans le truc. Comme je vais tout relire à chaque fois pour savoir où on en est. Et du coup, c'est quoi ces autres histoires? C'est lié au Hippolydiverse. J'aime bien le Hippolydiverse. Hippolydiverse. Alors, pas du tout. Alors, la première, Anoki. Alors, pour le coup, on va être vraiment basé sur une histoire un peu jeunesse, une histoire d'aventure qui est rattachée à la population Inca, mais vraiment de l'époque. Là, j'ai vraiment repris des éléments historiques. Et la seconde, on est sur un survival à base de dinosaures bouffeurs d'hommes. Oh merde, j'ai l'impression d'entendre le speech d'Ariane Sky 2, quoi. Bah, en fait, j'ai pris un petit mélange, je me suis dit, on prend du Lost, on prend du Jurassic Park, on prend une île, un avion qui se crash, et boum, on a un livre. Sacré mélange. Ouais, ah, mais moi je suis comme ça, je te prends des trucs, dans la shaker, boum, t'as un bouquin. Eh ben écoute, ça me semble pas mal. Et comment tu écris tes romans? J'ai toujours la vieille image de cette série que j'ai adorée, une série un peu d'anthologie comme pour notre ami Adrien qui n'est pas là. Est-ce que tu es plutôt le Hank Moody, whisky, cigarette à moitié dépressif en train d'écrire? Ou est-ce que tu es plutôt jovial avec petite camomille, avec un peu de musique de Noël et avec un petit feu de bois? Ouais, du coup, aucun des deux. Mais moi, je suis plutôt café. Petit café et après, bah, musique. Musique, musique, musique. Sans musique, j'écris pas. Donc, même avec les idées, ça sort pas. Donc, j'ai besoin de musique et la musique adaptée en fonction de ce que j'écris, en fonction du type de scène et de ce que je veux faire ressentir. Eh bien, écoute, ça me paraît pas mal. Juste pour te connaître un peu plus, pour que nos éditeurs profitent de toi de manière, entre guillemets, plus personnelle. Rien de très confidentiel comme question, mais pour toi, quels sont tes indispensables en manga, comics, romans, séries télé, films, voire musique, hein, soyons fous. voire et jeux vidéo, pourquoi pas aussi. Et oui. Alors, indispensable en film, les Marvel, ça c'est obligé. Les Jurassic Park, plus, ça c'est encore plus obligé. Après, j'aime bien tous les films d'aventure, les Peplum, les historiques, les Indiana Jones, tous ces trucs-là. Pour ce qui est l'univers manga, anime, vraiment tout ce qui est Génération Club Dorothée avec un big up pour Dragon Ball et un gros coup de cœur pour Goldorak et les Mystérieuses Cités d'Or. Ensuite, en bouquin, la trilogie Anka que je suis en train de lire, qui est une très très belle découverte. Et puis après, pour le reste, c'est beaucoup de l'auto-édition. Donc, Elfidil avec sa Dark Fantasy, Le Clan du Corbeau Blanc, que je recommande. Zoé Ababou et sa saga Borderline, qui est juste une tuerie, puisqu'en plus, il y a beaucoup de faits similaires avec mon histoire. C'est vraiment une autrice qui m'inspire, en fait. Et rien qu'avec les photos qu'elle poste sur les réseaux, bah, ça me donne envie d'aller encore plus loin dans mes écrits. Donc non, ça, c'est vraiment des livres que je recommande. Si on doit parler jeux vidéo, je dirais Zelda, la saga... Enfin, même pas, non, parce que ce serait vraiment les premiers Zelda de la 64, Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc ça, ce serait vraiment jeux vidéo. Les derniers Tomb Raider, ça, j'adore. Et les jeux Siberia aussi. J'aime beaucoup les jeux Siberia. Alors, j'ai toujours entendu parler des jeux Siberia, mais je ne les ai... Enfin, Siberia, mais je ne les ai jamais joués. Ça me tente énormément. Je crois qu'il n'y en a que trois. Il y en a trois, mais il y a le quatrième qui arrive bientôt. Donc, on l'attend. Et c'est quoi? C'est du RPG? C'est de l'aventure? Ouais, c'est un peu de l'aventure. Il ne faut pas t'attendre à de l'action. Si tu aimes l'action, tu risques de t'ennuyer. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, dans les deux premiers volumes, ils sont un peu... Bah, c'est des vieux jeux, donc ils sont un peu lents. C'est le temps que ça se mette en place, tout ça. C'est beaucoup de l'énigme. Tu diriges ton personnage, il faut que tu ailles parler à des gens, tu trouves tel objet pour que telle personne accepte de te dire tel indice. Enfin, c'est vraiment sur ce type-là. Et après, sur le 3, ils ont fait un énorme boulot. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai tellement accroché que je l'ai torché en 48 heures. Je me suis arrêtée juste histoire de manger douche dodo, quoi. Mais c'est vrai que... Je suis ici, voilà, là, le 4 va sortir et j'attends avec impatience, quoi. Eh ben, d'accord. Ça va sortir sur quoi? Switch, PS5, Xbox One? Enfin, Xbox Series X? Alors, si c'est comme les autres, PC est sûr. Et normalement, la Switch, puisqu'ils avaient sorti le pack sur la Switch. Donc après, je ne sais pas s'il est dispo sur d'autres plateformes, mais je sais qu'au moins sur PC et sur la Switch, ils y sont. D'accord, ok. Ben écoute, je vais essayer de regarder ça et peut-être attendre le Black Friday décalé pour pouvoir me les prendre d'un coup. Ben écoute, pour une réémission, je crois qu'on a fait vite et qu'on a fait même plus vite que la première. On a condensé les questions, on est parti un peu moins loin. Si, une question quand même, parce que je sais que ça te tient à cœur. Parle-nous de ta couverture. D'où elle vient, pourquoi cette couverture et voilà. Ma couverture, ouais, c'est un peu mon bébé parce que c'est un artiste qui me tient à cœur. C'est Chibi Dams. Il est dispo partout. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook, partout. Et en fait, c'est un auteur qui a créé son propre manga qui s'appelle My Destiny. Donc en plus, je dis un auteur, mais j'ai des bêtises, c'est un mangaka. Et My Destiny, c'est un manga qui retrace son histoire. Et j'aime beaucoup son univers. C'est une très belle personne. Lui-même, d'ailleurs, reverse. Il le dit pas, mais il reverse une partie de ses ventes à la. Alors si je dis pas de bêtises, c'est à la Croix-Rouge, mais je garde une réserve, j'ai un doute. Et du coup, je voulais à tout prix le faire travailler lui sur mon roman parce que j'aime son style de dessin. Je voulais que ma couverture ait sa patte. Et en fait, l'image de couverture, c'est carrément en fait le style de trait qu'on peut retrouver dans son manga, et c'est ce que j'ai aimé. Et c'est pour ça que je vais le faire travailler sur tous les autres tomes parce que bah, c'est vraiment... en fait, ça peut être que lui. Je ne vois pas d'autres personnes pour dessiner la couverture de mon livre. Eh bien, écoute, dernière question, mais vraiment cette fois-ci, toute dernière question. Tu définis ton roman comment? Aventure, fantastique, science-fiction avec un peu d'anticipation. Et tu le conseillerais à quel âge? Alors, plutôt aventure fantastique. Le premier est surtout basé à aventure. Le fantastique s'incorpore vraiment petit à petit. Et il sera de plus en plus présent dans les prochains tomes, puisque si pour le départ, on peut se dire, bon, ben, c'est un peu... Voilà, il y a des batailles, il y a tout ça, mais voilà, il va y avoir une histoire un peu de chamanisme, de pouvoir, de choses comme ça. Donc, on va vraiment partir sur le fantastique en freestyle, quoi. Après, là, ça va... Après, le tome 2, ça va décoller. Et après, pour ce qui est de la lecture, c'est du tout public, avec une réserve pour les parents qui voudraient l'offrir à un enfant... Parce que c'est vrai que la couverture apparaît assez douce, mais du coup, les enfants qui seraient trop protégés sur les contenus qu'on peut trouver sur Internet, la télé ou autre, par leurs parents, faites attention quand même, parce qu'il y a certaines scènes qui peuvent paraître un peu violentes, notamment une qui a fait pleurer une lectrice qui a mon âge, et elle a eu la larme à l'œil, et donc je me dis que si j'arrive à faire pleurer des adultes, j'ai peur que ça puisse perturber des plus jeunes, bien que parmi mes lecteurs, j'ai des enfants de 10 ans, 2, qui ont adoré. Donc après, voilà, c'est vraiment... Faut voir. Mais sinon, dans la globalité, c'est tout public. J'ai fait exprès d'avoir une écriture assez simple et de ne pas utiliser de mots trop complexes sans les expliquer. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dit avec Laura, mais c'est quelque chose qui est très sympathique dans ta lecture, c'est qu'on est quasiment tout de suite plongé dans l'action, il n'y a pas de temps mort, et c'est quelque chose qui est très agréable à lire, et on ne s'ennuie pas en fait. Dès l'intro terminée, on arrive sur l'introduction, donc où on voit Lara avec ses jolis cheveux ébène, qui est en train de se les coiffer, à deux pages plus tard de l'action. Enfin, de l'action à la découverte de cette première Amazon. Et c'est vrai que c'est bien, c'est rythmé. C'est vaut mieux ça que passer 40 ans à décrire un arbre généalogique à Tolkien, quoi. Ah, si je voulais pas aller dans le trop long. C'est-à-dire que les descriptions, c'est bien, mais trop, après, ça casse la chose, on s'ennuie. Et de toute façon, dans le roman, en général, j'ai cassé plein de choses, puisque même l'héroïne, c'est une mère de famille. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup des jeunes, des ados, enfin, dans n'importe quel film, c'est beaucoup ça, et c'est trop cliché. Et je me suis dit, pourquoi ce serait pas une mère de famille? Pourquoi une mère célibataire qui élève son fils tout seul, elle n'aurait pas le droit d'avoir une vie extraordinaire, elle aussi? Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et pareil pour le rythme de l'histoire. Je préfère avoir un rythme soutenu et tenir le lecteur tout le long, en fait, plutôt que des passages hyper narratifs de description. Même si on me l'a reproché, deux lecteurs, mais qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était long, mou, incohérent, et que l'héroïne n'était pas du tout maternelle et réaliste. Donc, j'ai eu deux retours comme ça, mais c'était les deux seuls, en fait. Et après, tous les autres retours qui s'en sont suivis, ben, en fait, c'était plutôt positif. Donc, ça m'a rassurée, parce que sur le coup, vu que c'est les premiers retours que j'ai eus, ça m'a refroidi grandement. Du coup, j'ai une autre question inédite. Finalement, ce n'était pas la toute dernière question. J'ai une question inédite. C'est un peu la question CNews, tu vois, la question vieux politicard tout pourri qui met les pieds dans le tapis. Est-ce que ton roman a été inspiré par la vague MeToo? Par? La vague MeToo, hashtag MeToo, le féminisme et compagnie, ou... Alors là, pas du tout. Pas du tout. Non, mais en fait, vu que moi, de base, comme je disais, je ne suis pas fan de base des femmes, je pense qu'inconsciemment, le fait d'en avoir fait les héroïnes de mon livre à travers les Amazones, c'est un peu un moyen, mine de rien, de les replacer... sur une meilleure estime, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une société où l'apparence, c'est l'apparence, c'est l'apparence, c'est l'apparence. Et puis, quand, enfin, je sais pas, moi, je vois les jeunes, enfin, il y a les télé-réalités, il y a tous ces trucs-là, on sort de là, on n'est plus dans la réalité, on n'est que dans la fiction, tout est orchestré, tout est, je sais pas, c'est pas la femme comme elle devrait être, enfin, on n'est pas comme ça. Et du coup, je me dis, les Amazones, ça représente un peu, pour moi, l'idéal. Les femmes, ce qu'elles sont vraiment, on est fortes, on peut gérer plein de choses. On n'est pas si fragiles que ce qu'on paraît être. Et je me suis dit, les Amazones, c'est la parfaite représentation, en fait, de ce que peut être une femme sans aller dans le cliché de la femme fragile au foyer, comme pourrait l'être Lara, puisque, à première vue, elle a une vie tout à fait banale. On ne s'imagine pas... ce qu'elle pourra faire, puisque je ne vais pas spoiler, mais Lara, c'est loin, loin, loin, loin, loin d'être une petite femme normal, quoi. Eh bien, écoute, merci d'avoir répondu à cette question pourrie que je vais pouvoir l'appeler la question CNews. Je crois que je vais la garder, celle-là, pour la prochaine. Parfait, allez. Ouais, c'était la première, mais voilà, question CNews, je pense qu'elle va être drôle à chaque fois. Je vais mettre les pieds dans le tapis, je vais m'amuser avec ça. Et voilà, bon, bah, cette fois-ci, c'est tout. Merci d'être resté plus longtemps pour réenregistrer cette émission, parce que oui, je maintiens que ce n'était pas totalement naturel pour les premières questions et pour la plupart des questions, parce qu'on a déjà réenregistré. Et à cause d'un problème technique, et ben, tout le podcast était perdu, donc on a dû tout recommencer à zéro. Donc encore une fois, merci à toi, Jennifer, d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez la retrouver sur Facebook avec sa page professionnelle @ Jennifer Fernandez, auteur, et sur Twitter @Jenny33370. Je vais éviter de faire la blague pourrie sur les Bordelais, les pauvres, ce serait pas si drôle que ça finalement. Ouais, quoi que si, je vais le dire. Allez-y, Occitan, allez voir nos cousins bordelais, même s'ils ont du son parisien. Ils sont quand même assez sympathiques et il faut avoir un peu de pitié pour eux. Un peu de sympathie pour eux, pas de pitié. Non, mais en tout cas, merci à vous pour l'émission et un grand merci encore à toutes les personnes aussi qui me soutiennent, que ce soit sur les réseaux ou autres, et surtout à ma team qui est là tous les jours avec moi sur Facebook, tout ça, et Chibi qui m'a fait... Chibi, en fait, ils sont plusieurs dans le bouquin. Vous n'avez pas vu, vous, parce que vous n'avez pas tout vu, mais il y a aussi Mister Caton qui se reconnaîtra, Jean-Marc qui se reconnaîtra, qui ont tous les deux aussi contribué à faire des illustrations pour le livre. Donc, merci à eux tous. C'est vraiment une équipe en or avec qui je travaille. Donc, c'est agréable. Eh bien, merci encore à toi et merci à Laura d'avoir reparticipé à cet enregistrement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.